L'histoire du plus grand des empires, celui qui a toujours survécu et renaîtra sans cesse. À travers ses gloires et ses déchéances, c'est la saga de toutes les grandes puissances du monde qui prend forme, convergeant en un récit unique, grandiose et captivant. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, ben, Michel, Bruno et puis Marc pour un bout, je pense. Hey, bonsoir. Bonsoir. Il s'est enfargé. On l'a un peu retenu aussi, mais bon. Tant qu'à y être. Ben oui. Ben oui, t'es là. Donc, ben, plusieurs nouveautés ce soir, dont Panapultif, nouvel album de Sea Within. Ça, c'est le groupe. Le super groupe. Ben, en fait, c'est comme. J'ai l'impression, moi, ça me donne comme un peu. J'ai écouté l'album assez rapido, là. Comme une variation de Flower King ou de. Il y a des pièces, là. On n'a pas besoin de chercher trop loin pour voir d'où est-ce que ça vient. Oui. C'est du Rhinestone, t'as tout craché. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le nouveau Trama, un groupe italien qui n'a pas fait de disque pendant 20 ans et qui nous revient. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, évidemment, on pouvait pas deviner que, ben, que Lucas Querani était le claviériste de Trama. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît le moindrement intéressé au prog italien savent qui est Lucas Querani. Donc, c'était son premier groupe de musique originale parce qu'avant, il était dans les groupes hommages. Donc, j'ai vu que tu avais Oak aussi. Là. C'est Oak. Un de mes albums préférés ben oui. de cette année. Là, que... ben évidemment, avec David Jackson. Oui, ben, c'est sûr qu'en sachant que David Jackson jouait sur ça, j'ai été intéressé. Mais finalement, cet album-là, il plaît beaucoup. Très bon. Il est très bon. Et on a bien d'autres choses. Donc, préparez-vous. Installez-vous pour 2 heures de bon prog. Et on va parler de Panapultif. On va amorcer avec Panapultif de l'album Dissolution. Et voilà, c'est parti. Don't look back, you know there's no way back. time to take a new road? Is it still time to live abroad? Is it still time to fall in love, to venerate an idol? Is it still time to have a child? Is it still time to ask why? Is it still time to play the fool, to hope to walk on the moon? Is it still time? Is it still time? To look back for the best. of light. Lonely signpost, blackout signal cries. Days are gone, another sight. Was once a good man standing in the light. Close alive, betrayal and shame. The one goes down, frame by frame. Winging down, King Kong lost without his crown tonight. Flat face against the wrecking ball, losing lizard crawling out of sight. Lizard cries, scale and dry. One more fight. Not to break down. Ici la voix des Mystérons. Ça, c'est, vous venez d'entendre la voix de Bruno. Ça, c'est rare qu'on l'entend, mais là, c'est Bruno. De retour! Bruno, il comprend pas. Bon, ben, ce qui vient de jouer, c'est une jeune formation italienne qui a pour nom de 40 Days. C'est leur premier essai de Color of Change. Un petit peu airbag, c'est bar, je dirais. Là. Certaines pièces, en tout cas. Pas tout, là, mais ceux qui aiment ces atmosphères-là. Une approche un peu plus post-rock, là, ouais, si on ouais. veut. C'est, je pense que ça va être dans leur corde. Puis là, tu as une entrevue avec eux là, dans le livre Rock Progressivo oui, Incognita, volume 1. Mais d'ailleurs, la pièce, je l'ai pris. Elle vient de cette compilation-là aussi. Elle vient de cette compilation-là ouais. aussi. Et bien, on parlait de supergroupe tantôt, là, de Sea Witten, avec Ryan Stout, Jonas Ringgold, Daniel Gidenlou, qui ont tous fait partie de Flower Kings. C'est comme si c'était Flower Kings, mais le nouveau. Là. Avec, quand même avec un batteur comme Mario Minman. Et puis le claviériste, mais c'est Tom Brislin qui a joué avec Camel, Yes, entre autres. Comme invité spécial, John Anderson. Oh. Mais ça, c'est sûr qu'après le disque en duo, Stout-Anderson, c'est moins surprenant un peu. Et Jordan Rudess aussi de Dream Theater comme invité. Je sais pas, mais moi, la pièce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression que ça sort des archives directes là, de Ryan Stout. Même si Daniel Gidenlou qui chante, on reconnaît le style d'écriture, la mélodie. Enfin, il a pris part pas mal. J'ai l'impression que Stout a pris... parce que ce groupe-là a été comme un peu monté, pas improvisé, mais c'est la maison de disques qui a invité. Ah, OK, des musiciens. Qui puis... se dit, hey, faites-nous donc un super groupe. OK. Et puis, ils sont ramassés en studio. Et moi, je sais pertinemment que Ryan Stout a à peu près une centaine de chansons dans son studio. Ouais, là, puis il est très discipliné, lui. Il est très, aussi, ouais, il est ouais, très c'est ça. Il est très méthodique, il est très discipliné. Ouais, ouais. C'est que j'ai l'impression que. Puis surtout, il y a une bonne banque de chansons là, prêtes à être endisquées. Ça aide. Parce que c'est pas tout le monde qui. Ben non. Non. Hein. Composer comme ça en studio quand on se connaît pas. Là. Non. Donc, probablement, tout le monde est arrivé un peu avec ses idées, puis. On y va. Puis... Mais en tout cas, le résultat est vraiment intéressant. Donc, de Sea Witten, premier essai. Et c'est une nouveauté, évidemment. C'est spécifié, ça vient juste de sortir. Là. C'est spécifié sur le site que c'est du hard rock. Ah oui, bon, oui, voilà. D'accord. C'est le... Ils peuvent en fait se libérer oui, du oui, c'est ça. Exact. Du vilain mot de quatre lettres. Ce n'est pas du prog. Il va falloir dire à l'envers, groupe. Groupe. Et puis, ben, coup d'envoi avec Pineapple Thief... Le 12e album du groupe Dissolution, la pièce, ce premier extrait, Far Below. Un album, c'est le deuxième avec Kevin Harrison, le batteur de King Crimson et Porcupine Tree. Et c'est ce qui rend peut-être un peu les tournées plus difficiles parce que c'est maintenant le batteur officiel de Pineapple Thief. Ça change les choses. C'est pour ça qu'on les voit pas beaucoup en Amérique du Nord. Ils se promènent surtout en Europe. Je pense pas que ça va changer dans un avenir très rapproché. Les avait vus il y a 10 ans. À Terra, il y a 10 ans, oui. C'était magique. Je m'en rappelle encore. Puis les gars de Pineapple Thief s'en rappellent encore. Oui, tout à fait. Ils ont fait du chemin depuis là. Hein? Ouais, oui, ça. Exact. Et c'est invité spécial, David Thorne. Ça, je sais que ça... Ça ne titillera pas grand monde, mais moi, ça me fait beaucoup plaisir. Il a réalisé plaisir. Beaucoup d'albums en solo, puis oui, bien, oui. beaucoup de contributions. Puis c'est un gars qui est assez explorateur. Là, oui, et un ça, guitariste assez expérimental, ouais, quand ouais, même. Oui, mais moi, je l'adore, ce gars-là. Bon, ben ceci dit, je pense qu'on va retourner en musique. On a encore sûrement des... C'est parce que là, Bruno, il est là. Puis, oui, oui, il y a des pubs. Mais c'est vrai, il y a des pubs. C'est pour ça que Bruno, il a deux bras là, qui gigotent. Là. Parfait, ben Bruno, on va tenir compte de ton commentaire. Donc, après les pauses, on va revenir avec un groupe italien. Et je vais essayer de le prononcer comme il faut. Tacita Intesa, de leur premier album. On revient tantôt. Allez-y, allez-y, tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours. Bien, reprenez un souffle. CKRL, communication.qc.ca, culture.

veniva al cielo, si limitava a seguire le nuvole e come loro partivi. Poi queste stanche lasciarono piovere gocce di pioggia e quel che ora coperta di gocce e macere, la terra è felice di sé.

vicini, nuovi giorni di amici. Ma il mistero sempre ti vorrà in sapere. Vieni avanti che Gesù cerchi nel grano. Domani sempre nuove domande avremo sotto lo stesso cielo. Se pensi al quadrato, se apri la mente, se togli il vestito al corpo apparente, e avrai il tuo sorriso, la chiave del tempo, tra zenith e nadir, ritroverai il centro, se pensi al quadrato, a qualunque confine, troverai il transito. Budget Router. Ça aurait pu, hein? Mais Bruno s'obstinait avec nous autres, mais on lui a fallu y expliquer que non, il n'y a pas rien qu'Ian Anderson qui joue de la flûte. Hein? C'est des musiciens qui sont des grands fans de Jethro Tull. C'est évident. Évident. D'ailleurs, même le groupe a enregistré un disque hommage à Jethro Tull. Ça s'appelait être un peu Reliving in the Past. ça a été enregistré en 2001. Puis il y avait même quelques musiciens. Je pense qu'il y avait Glenn Cornick qui avait contribué à ce disque-là. Lui, c'est un bassiste. Jusqu'à Benefit, Jethro Tull. Oui. Et puis, ils ont... le saxophone dans cette pièce, c'était... là, c'est pour dire que c'est deux pièces de Oak. Et puis, je vais essayer de vous prononcer ça. Là, mais c'est Oak, c'est O.A.K. pour Oscillazioni Alchimico Creative. Très bien. Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas leur premier album, ils en ont une série. Et puis, David Jackson, c'est pas la première fois qu'il joue avec eux. Je ne savais pas du tout non plus. Quand je les ai découverts en février, là, quand ça a sorti, je ne connaissais pas ça du tout. On le retrouve sur un disque qui s'appelle Shaman Feet, enregistré en 2011. Puis, il y avait aussi Glenn Cornick qui contribuait à ce disque-là. Qui était là, oui. Puis celui qui nous intéresse là, présentement, là, c'est Giordano Bruno, qui est en fait... C'est un disque basé sur la vie d'un philosophe italien, du nom de Giordano Bruno. Et puis, comme invité, il y avait David Jackson, Richard Sinclair. Il y a Richard Sinclair qui est là-dessus. Il y a un des membres de... Curved Air. Goblin aussi. Il y a Christina... Sonia Christina. The Curve There, oui. Exact, exact. Et puis, avant, qu'est-ce qu'on avait avant? Juste avant. School Tree. Ça nous vient des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre. Très original, moi, j'ai aimé ça. Oui. Franchement, il y a des voix féminines. C'est le projet d'une chanteuse, Lainey School Tree. C'est son projet, un opéra rock. En deux parties. Double là, album. Ça, ouais. Hétérotopia. C'est le titre de cet album double. Et on avait donné le coup d'envoi avec une jeune formation italienne. OK, là, je vais... Ça aussi, j'ai trouvé ça très beau. Je vais encore essayer. Là. Tacita Intesa. C'est leur premier album qui, quand même, date de quelques années. Puis là, j'en mets parce qu'il y a un deuxième qui s'en vient sous le titre de Faro. Il n'est pas encore sorti, mais je pense que c'est prévu pour septembre. Puis ils ont publié aussi un live... Mais c'est pas comme... Je veux dire, faut que tu te rendes sur le site pour l'acheter en ligne. Ça n'a jamais été pressé en CD. Donc, officiellement, deuxième album studio pour eux, là, mon Dieu. attends un peu. Tacita Intesa. Parfait. C'est vrai qu'on a remonté le fil jusque-là. Puis là, je pense que Bruno, il est en train de s'arracher les cheveux parce que les pubs s'en viennent. Le temps de vous rappeler. Le temps de vous rappeler qu'on était à CKRL. C'est CKRL 89.1. Terrain Incognita, Michel, Marc et Bruno, jusqu'à minuit. Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle. C'est notre civilisation la meilleure. K. Notre religion. La seule vraie. R. Et à la fin. L. Crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. Alors, que faire? J'explique. Je démontre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'anime. C'est KRL. Communication, culture. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. CKRL 89.1. Thank you. right now. We watch our vision fall away to sound. The hour is at hand. Blindness, we follow prophets who promised us the most. As the earth spins around and the distance reduces, and we close with the sun like a homecoming friend, we see in time the last harvest approaches. In our eyes and regret in our hearts, we gather the data stream to justify the spend and forecast the end. Events unfold exactly in their time, declaring our wrath. We'll be right back. C'est pas un disque des années 70, mais fortement inspiré, ça nous vient du Royaume-Uni, parce que là, je ne pourrais pas situer exactement, donc on va dire Royaume-Uni, peut-être Écosse, on ne sait pas, mais The Kentish Spires. C'est de leur album The Last Harvest, c'est leur dernière récolte à eux, là, donc... C'est une autre nouveauté ouais, ben, qu'on découvre. Ça nous vient d'Angleterre, et puis c'est dans la tradition. Là, tu vois qu'ils ont repris un peu, là, un peu Canterbury, un peu folk, un peu... Enfin, ils puisent dans leur répertoire et leur tradition. Leur racine. C'est exactement. On avait avant d'Italie l'Albero del Veleno, de leur plus récent disque. Tales of a Dark Fate. Reçoit de grands éloges, cet album-là. Oui, ben, il est très bon. Et puis, tout amateur de Goblin, eux étant des fans eux-mêmes de Goblin, c'est cela. C'est leur meilleur, je pense, à ce jour-là. Et puis, on avait amorcé avec Trama, le groupe dont on parlait en début, un groupe qui a je pense qu'ils ont un disque en 99, sauf erreur. Ça va faire quasiment 20 ans. Là. Et puis, à l'époque, c'était passé un peu inaperçu, mais il y a deux des gars de ce groupe qui ont fait leur chemin depuis, Lucas Kerani, dont on parlait tantôt, qui, bon, Hudson Hatton, la Conscience Salizano. Et puis là, tu découvres que, dans le fond, Skerani, il n'était pas là par hasard pour la Cosciança di Zeno, parce que le bassiste de ce groupe, c'était Guido... Gabriele Guidi Colombi, le bassiste de la Cosciança di Zeno. Okay. Donc, le monde est petit. Et puis, ben, il était quatre, ou c'était un peu un, deux, trois, quatre, cinq. Et donc, il y a un guitariste batteur et chanteuse qui ont peut-être arrêté de faire de la musique, mais ils se sont retrouvés, ils faisaient de temps en temps des collaborations pour des fameux disques hommages ou disques concepts de Muséa ou de Colossus. Non, ouais. Je sais que le dernier auquel ils ont contribué, c'était un hommage à Marillion, et c'est ça qui leur a donné le goût de revenir avec un disque 20 ans plus tard, qui s'appelle... Attends un peu, je vais pas... Oscure Movenzi. Ça vient de sortir, ça. Tout nouveau. Donc, avec Lucas Kerani. Bon, en tout cas, déjà, en partant, tu sais que les claviers et les arrangements vont être... Ça va être bon. Oui, exactement. Dernière demi-heure, déjà. Oui, chez... Il y a quelques pubs. Il y a quelques pubs. Des messages d'intérêt public. Oui, exact. C'est qu'on vous revient après ça, nous, avec la musique. Hein. Non, sérieux. on revient avec un autre groupe italien, Holocene. Et c'est notre dernière demi-heure. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Élément 8. L'octuor de violoncelle interprète Pavane, opus numéro 50, de Gabriel Fauré. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Maison de la famille de Québec, Centre Étape, Atelier de la Mézanine et Centre Jacques Cartier. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Welcome to We'll be right back. Tell us more. Scandinave. Oui. On ne sait jamais comment le prononcer, ce nom-là, le groupe. Là. Giorgio, en tout cas. C'est une des révélations de Scandinave. Absolument. Hein? De, ouais. Ouais, avec l'album est plus facile, George. Donc, on peut parler de révélation. On reste en Scandinavie. Avant, c'était Sissar, mais je ne sais pas si je le prononce comme il faut, le S-I-S-A-R-E, de l'album Leaving the Land. Vous irez voir sur notre site, là, c'est ouais. www.terraincognita.québec là, pour avoir la liste là, de tout ce qu'on fait jouer. Et bien d'autres choses, de toute façon. Ben, oui, il y a des nouvelles, des chroniques, c'est ça. Donc, voilà. Oui. Encore en Scandinavie avec Melody. Maladie, oui, ben oui. Toinen. Toista. Ça nous vient de la Finlande. Aussi, c'est un des bons albums de cette année. Là. Oui, qui nous vient de Scandinavie au moment c'est où on pensait qu'il ne se passait plus grand-chose dans ce coin-là. Mais il y a quelques belles surprises comme ça qui nous arrivent et puis ça nous redonne la foi dans le prog scandinave. Absolument. C'est déjà le temps de vous laisser. C'était Marc, Michel et Bruno. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine puis allez visiter notre site www.terraincognita.québec ou notre page Facebook aussi, évidemment. Sur ce, bonne nuit et on vous laisse avec Stéphane et l'autoroute. Télétravail.